travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Et qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier et lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Dit famine et dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse tous les jours de l'année. Tous les jours de l'an. Tous les jours de l'année. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Tous les jours de l'année. Tous les jours de l'an. Tous les jours de l'année. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini. Car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors. Quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes. Les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes et ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste alors on chante. La la la la la la. Jour de l'année. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.